une chienne. Instinctivement, je deviens le wolf de la race des Canis Lupus. Et Temissa Est en mode Danger Roots. Préconise un bain de bouche, ça va être aussi sale que mettre un maillade sur une bande touche. T'es peut-être thug, mais t'es pas taille. Une meuf peut en cacher un autre, le grand ref qu'à la dalle. J'ai perdu les os, les contractions. Crispe mon rap, viens pas t'aider. Le ramadan t'a réparti à une soif d'intellectuel à force de le dire. Tariq soulève le voile sur les vrais problèmes. N'est-ce pas la France qui s'intègre pas dans la tête que Noah est un prénom plus à la mode que Bernadette. Oh, humilité, je peux pas t'humilier, immuniser sans froid, déficience de ta débilité. Je te regarde pas de haut, c'est toi qui es trop petit. Mon talent casse la cambrure de mes mots, illusion optique. Veuve de guerre, sa preuve de rage. Que le despotisme crève son crâne. Veuve de guerre, femme de G.I. Kamikaze. Nos gosses calmes, dis-moi vaut mieux. C'est un conseil amical. Veuve de guerre, sa preuve de rage. Que le despotisme crève son crâne. Veuve de guerre, femme de G.I. Kamikaze. Nos gosses calmes, dis-moi vaut mieux. C'est un conseil amical. Je demande pardon à toutes les premières de ma classe. Une clarté boutonneuse un peu grosse qu'un jour j'ai traité de ton. La beauté n'est qu'une petite faveur que le ciel nous arrache avec le temps. Pardon, car l'intelligence c'est un don. Avant qu'ils se perdent, pas explique ou ambitionne de devenir une teuté. Viens qu'on explique à nos petits le risque de finir décapité. Si la poudre ou la peau est pas sourde, je demanderai à chacun de mes ennemis de distribuer des gilets pare-balles à chaque femme enceinte de mon quartier. Mais penche-toi par la fenêtre, trop drive-by en golf. Entre frères, revolver, pompe funèbre, orphelin. Pour les veuves de guerre de Sierra Leone, du 9-3 de Palestine, du Nord qui vous courage tantine. J'ai du cœur mais endurci. Mon rap est né d'un accouplement sauvage entre Nikita et Gandhi. Y'a pas de cadeau assez cher pour remercier une naissance de Kama. Alors je reste un connard, mais je respecte les canards. Veuve de guerre, sa preuve de rage. Que le despotisme crève son crâne. Veuve de guerre, femme de G.I. Kamikaze. Nos gosses calmes, dis-moi vaut mieux. C'est un conseil amical. Veuve de guerre, sa preuve de rage. Que le despotisme crève son crâne. Veuve de guerre, femme de G.I. Kamikaze. Nos gosses calmes, dis-moi vaut mieux. C'est un conseil amical. Trop de frères dead pour des histoires de fierté. Roots, la Louve. Comment tu veux que je les raisonne, bordel? L'instinct de survie envoie les loups les plus affamés dans des pièges mortels. Dans le monde du cache à pas de cœur, tous les frelons sont mutilés. Une palumière isolée, rapprochement tristement célèbre. La guerre seule combat la hagra sociale d'après eux. On les imite, on est lobotomisés, pas cultivés. Pour les femmes de tirailleurs décédées. Pour les femmes de G.I. dépossédées. Plus de dialogue, moins de gueule. Bissalam shalom, veuve de guerre.